Gaston Charles Richard. L'empreinte du pied nu. Chapitre 1. Depuis le jour où Elsa Van Leggels, la célèbre détective dont nous avons déjà conté maintes aventures, toutes rigoureusement authentiques, avait si vite et si heureusement retrouvé le pendentif de Lady Fagor, le renom de la jeune femme avait grandi parmi les membres de la gentry anglaise. Servie par la pureté de son accent, l'élégance de son langage, la discrète recherche de sa toilette et aussi, il faut bien le dire, par sa parfaite éducation mondaine et son physique agréable, Elsa avait vu s'ouvrir devant elle bien des portes qui, devant tout autre, fussent restées obstinément closes. Quelques petites affaires, délicates, sinon très compliquées, auxquelles, comme en se jouant, elle avait apporté une solution satisfaisante, lui avait valu l'agrément de Scotland Yard et une équivalence de traitement au point de vue légal avec un inspecteur principal de première classe. Lady Fagor, Lady Holder, la recevait comme une amie, l'admettait à leurs thés intimes et, avec le temps, la réelle amitié et la profonde estime que toutes deux portaient à la policewoman ne faisaient que grandir. Un jour, chez Lady Holder, au 5 o'clock tea de la grande dame, Elsa Van Leggels vit arriver un grand et beau garçon, au visage basané, aux yeux énergiques et francs, vers qui elle se sentit portée par une secrète sympathie. « Mon jeune cousin, Sir George Hunting, » dit Lady Adler. « Major dans l'armée des Indes, où il a fait ses débuts sous le vieux Bob, le feld-marshal Lord Roberts. » Miss Elsa Van Leggels, qui a rendu le service que vous savez à notre chère amie Lady Fagor, Georgie. Chère Miss Van Leggels, je suis très heureux de vous présenter mes hommages et d'y joindre de tardif mes sincères compliments, dit le major. Elsa s'inclina en rougissant un peu. Quelques instants plus tard, une jeune femme, d'une grâce exquise, Lady Jane Hunting, faisait son entrée chez Lady Holder, et son mari la présentait à Elsa. Ainsi commença de se nouer, entre la policewoman, le major et sa femme, la meilleure et la plus franche amitié. Chapitre 2. Guitare espagnole. Quelque temps après, chez les Hunting, le major était en congé de 2 ans après 8 années de service et de campagne aux Indes, et s'était installé à Londres pour la saison dans un très confortable appartement meublé, Elsa se trouva en présence d'un homme jeune encore, car il n'avait pas atteint la trentaine, dont la beauté byronienne la laissa stupide d'étonnement. « Chère Elsa, dit Lady Hunting, je vous présente l'un de vos plus fervents admirateurs, Sir Charles Sullivan Crayworth, neveu de Lord Shelwing Arsley, dont Miss Cecily Shelwing, ici présente, est la fille. » Elle présentait en souriant à Elsa une grande jeune fille très brune, au teint ombré, aux yeux profonds, d'un bleu presque violet. Ils étaient, ses yeux, d'une beauté presque angoissante, dans un visage régulier, aimable, mais assez quelconque, encore que les traits en fussent fins et rassés. Un large cerne bleuâtre, nacré, les faisait paraître plus grands encore et leur donnait un regard là, palpitant, attirant et douloureux tout à la fois, un regard, pensa Elsa, de biche blessée à mort. « J'aime mieux vous prévenir tout de suite, chère Elsa, que Sissy et Charlie sont fiancés et qu'elle partage pour vous l'admiration de son futur mari. » Je leur ai promis que vous leur raconteriez, dans le détail, l'affaire du pendentif de Lady Fagor. J'espère que vous ne direz pas non, pria Lady Hunting. Elsa, qui pourtant n'aimait guère à parler métier aux heures où elle venait chercher une heureuse détente près de ses amis, conta l'histoire en prenant le thé. À votre tour, Charlie, dit Lady Hunting. Charlie est un musicien exquis et chante à la guitare dans la perfection. Charlie, je vous en prie, chantez-nous le jet d'eau. Et Charlie, prenant une guitare, l'accorda, préluba, et à voix prenante, sur un ton de confidence, chanta le poème de Baudelaire et de Fauré. Elsa, le cœur serré par une émotion profonde, regardait Charlie alors qu'il souriait à l'émoi de la musique, à l'art souverain du poète, à Cécilie qui, penchée vers lui, le menton appuyé dans la paume de la main, le fixait de ses larges yeux sombres avec une expression si belle, si poignante aussi, que la policewoman se dit à elle-même « Comme elle l'aime et comme elle doit être jalouse de lui !» À plusieurs reprises, la jeune femme se retrouva chez les Hunting, chez Lady Holder ou chez Lady Farquhar, avec Cécilie et Charlie. Elle les reçut chez elle à son tour. Mais alors que Charlie, gai, rieur, émotif, enthousiaste, artiste, se révélait peu à peu avec son naïf égoïsme, son insouciance, sa légère vanité, Cécilie demeurait secrète, fermée, ne livrait ni sa pensée ni son regard. Pourtant, un jour, elle dit à Elsa « Vous savez sans doute que Lord Shenlue Carsley est un grand collectionneur, chère Elsa. Ne vous plairait-il pas de visiter son hôtel et ses collections ?»« Avec joie !» dit sincèrement Elsa. « Ne vous étonnez pas trop des bizarreries du Lord. Il est très bon, mais très fantasque et fort autoritaire. » « Au fait, savez-vous qu'il n'est pas mon père ?» ajouta-t-elle brusquement. « Non, » dit Elsa surprise, « je l'ignorais. Je ne suis que sa fille adoptive et il ne m'a adoptée que pour enlever à Charlie la majeure partie de son énorme fortune, encore que mon fiancé soit le fils de sa sœur et appelé, comme tel, à relever son nom et son titre. » Tout cela pour vous dire que la bonté et l'égoïsme, le dévouement et la rancune se partagent son âme. Mais il doit vous aimer pourtant, puisqu'il vous a adopté. Oui, sans doute, dit Cécilie avec un sourire amer et contraint. Comme il peut aimer. Chapitre 3. La galerie de la déesse. Au jour fixé, Charlie et Cécilie vinrent chercher Elsa et la conduisirent chez Lord Shelwyn Carsley. Il habitait dans Park Lane un vaste hôtel d'architecture bâtarde et de style médiocre, mais dont l'intérieur, d'une somptuosité royale, démentait heureusement la maussaderie extérieure. Lord Shelwyn Carsley était un grand vieillard, un peu voûté, sec et glabre, au teint jaunâtre, aux petits yeux perçants d'un bleu pâle, aux lèvres minces. Son long nez aristocratique, son front haut, la forme spirituelle de la bouche, disaient l'intelligence, la perspicacité, la rosserie même. Et, de fait, parmi ses amis de la Chambre des Lords, il siégeait dans les rangs des Tories, il jouissait encore d'une redoutable réputation, et les Whigs, souvent, avaient eu à souffrir de ses coups de boutoir. Le vieillard fit à Elsa un accueil bienveillant, et, après un quart d'heure de conversation, dans un charmant petit salon meublé dans le style de la reine Anne, l'introduisit dans un vaste studio qui recevait le jour par une verrière oblique et qui montrait pêle-mêle, dans un amusant désordre, des tapisseries, des tableaux, des armures, des drapeaux de zaouïas turcs ou hindous en satin vert ou jaune frappés de la toura du prophète. Il lui montra des miniatures, des boîtes peintes, des ivoires chinois et japonais, des armes, des bijoux, un assez beau dessin de Gainsborough. « Préparation pour un portrait de femme, dit-il. « Oui, répondit Elsa, pour le portrait délicieux de Mrs. Sparrow qui est à Berlin. » À plusieurs reprises, elle marqua ainsi qu'en art, elle n'était pas une pharisienne. « Well, dit enfin Lord Shelwyn Carsley. Dit enfin Lord Shelwyn Carsley avec satisfaction. L'épreuve est concluante, vous l'avez très bien supportée. Je vais maintenant vous faire voir de très belles choses. Mais comme je n'aime pas à les galvauder aux yeux des Philistins, je commence toujours par montrer aux personnes que je ne connais pas ce studio où j'ai réuni le plus mauvais de ce que je possède. Ce n'était plus le même homme. Une joyeuse ardeur animait ses yeux froids. Il souriait. Il entraîna Elsa vers un panneau de mosaïque, poussa un bouton invisible. Le panneau s'ouvrit. Entrez, vous aussi, Sissi, et vous, Charlie. Elsa entra et demeura éblouie, stupéfaite, devant ce qui s'offrait à ses yeux. Elle était dans une longue galerie aux murs dorés, large et haute, dont le plafond lumineux versait une lumière vive. Et devant elle, sur un trône de porphyre rouge, que surélevaient 5 marches de basalte poli, était assise au centre de la salle, en pleine clarté, une déesse, nue, en granit rose, de grandeur naturelle, chef-d'œuvre de l'antique statuaire égyptienne. « L'admirable chose !» dit Elsa tout bas. « Oui, répondit le vieux lord d'un accent fervent. Je fus jadis conseiller du gouvernement égyptien et je l'ai empêché parfois de faire bien des sottises au sujet du Soudan, par exemple. » Lors de mon départ du Caire, en guise de reconnaissance, on m'offrit une tombe antique intacte que l'on venait de découvrir non loin de Boulak. Elle fut ouverte devant moi et, quand l'aération en fut jugée suffisante, un félin y pénétra, une torche à la main. Il en ressortit, hurlant de terreur, en criant qu'une femme vivante était là. Et la voici. C'est l'image parfaite, dit l'inscription gravée sur le trône, de la reine Tihi, qui fut la femme bien-aimée d'Amenophis IV. Elle était de basse extraction, dit l'histoire. Mais sa légende dit aussi qu'elle était d'une beauté divine et qu'Osiris décida de lui donner l'immortalité par le truchement d'un mortel. Amenophis aimait les artistes, les poètes, les musiciens, les chanteurs. Il confia l'exécution de la statue de la reine à un statuaire de génie. Et pendant qu'elle posait, sous ses yeux, devant l'artiste, il faisait, dans une pièce voisine, chanter des chœurs, jouer des musiciens, réciter des poètes. L'œuvre fut parfaite dans la joie, la jeunesse, la beauté, dans une atmosphère merveilleusement exaltante. Aussi, la statuaire égyptienne n'a-t-elle rien produit de plus beau. Il désigna d'un geste large sa galerie. À cette divine image, j'ai donné des compagnes dignes d'elle. Voyez cette Vénus Astarté. Elle était sur l'autel majeur du grand temple de Palmyre. Voici 2 aspects de la Fornarine de Raphaël. Un Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, frère de cet Hermès de l'école du Praxitèle. Regardez ici cette médaille d'Alexandre le Grand. Elle porte le sceau d'Inarchos, qui fut un maître sans rival, si l'on en croit cette effigie. Durant plus de 2 heures, ardent, emporté, plein d'une exaltation heureuse, il promena Elsa parmi des trésors inégalables. Et quand la visite fut enfin terminée, il dit, pâle de fatigue, « Je vous dois une grande joie. Je sais, je sens que vous m'avez compris. Je veux vous laisser un souvenir de cette visite. » Il ouvrit une vitrine, choisit une très belle entaille grecque sur sardonyx qui représentait un sphinx à tête de femme, au corps bardé de muscles, griffant de ses ongles acérés un foudre et monté sur un anneau épais d'or vierge. « Voilà qui vous fera un beau cachet, dit-il. Il appartint, dit l'inscription gravée à son revers, à Théodoros Démétriocos, qui fut à Athènes consul de l'empereur Adrien. » « Comment vous remercier, my lord ?» murmura Elsa, toute confuse. « En acceptant ce modeste présent, d'aussi bon cœur qu'il vous est offert, » répondit le vieux gentleman. Chapitre 4. Le trésor au pillage. 6 mois après cette visite, Elsa, un beau matin, recevait un coup de téléphone de Cécilie. « Venez, venez vite chez mon père, chérie !» dit la voix angoissée de la jeune fille. « Nous avons besoin de vous !» Prendre sa voiture, filer chez le lord, fut par Elsa fait en un instant, et 20 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'elle se trouvait en présence du vieux gentleman dans son logis somptueux de Park Lane. Quand il la vit, le lord leva les mains vers elle. « Volé, dit-il, on m'a volé, mes trésors les plus secrets, les plus rares, des colliers inestimables et pour plus de 20 000 livres de pierres non montées, des diamants, des rubis, des perles, et mon camé de Ptolémée, et la médaille d'Alexandre, et un petit Hermès d'or sans rival au monde. Tout cela, j'en mourrai, Miss Van Legels, j'en mourrai !»« Calmez-vous, mon père, dit Cécilie. « Miss Van Legels retrouvera vos voleurs. »« Où a-t-on volé tout cela ? demanda Elsa impassible. Dans la galerie, et qui plus est, dans une cachette pratiquée sous le trône de la reine Tilly, dit brièvement Cécilie. Je vais vous conduire, dit Lord Shelwyn Harsley avec agitation. Si vous retrouvez mes voleurs, je vous donnerai une fortune. Qui a découvert le vol ? Moi, dit le lord. Quelqu'un, à part vous, a-t-il pénétré depuis dans la galerie ? Non pas, et j'ai tout fermé. Avez-vous prévenu la police ? Non, Scotland Yard a ses qualités, mais dans une affaire comme celle-là, faire appel à ses hommes, c'est lancer un troupeau de buffles sur la trace d'un moustique, dit coléreusement le vieillard. Voulez-vous me conduire dans la galerie ? Dit Elsa. Et, s'il se peut, m'y laisser entrer seul ? Oui, dit le lord. Il ouvrit, devant Elsa, la porte secrète, donna la lumière, s'effaça. Elsa entra, seule, et deux heures durant, pied par pied, pouce par pouce, explora les passages aménagés entre les vitrines. Il n'y avait pas de fenêtre dans cette galerie qui ne recevait de jour que par le plafond. Et la seule issue visible était la porte par laquelle elle était entrée. La torche électrique à la main, elle examinait tout avec une minutie profonde, sans rien trouver, quand, enfin, sur la cuisse gauche de la reine égyptienne déifiée, elle vit luire une trace métallique, laissée là, à coup sûr, par le frottement d'une bague d'or. Elle examina de plus près la statue, son trône et le socle de basalte qui les portait. Sur la base du trône, elle releva la trace d'une main gantée. Et sur la première marche de basalte, polie comme un miroir, mais un peu poussiéreuse, la marque très nette cette fois d'un pied nu. Elle courut alors vers la porte, appela le lord qui vint, accompagné de Cécilie et de Charlie. Elle les mit au courant de ses découvertes, puis demanda que la porte fût fermée jusqu'à l'arrivée de l'un de ses collaborateurs, passé maître en l'art délicat de relever les empreintes. L'homme ne tarda pas à arriver. Avec un vernis spécial et une poudre particulière, il recouvrit les empreintes, les fit apparaître nettement, les moula ensuite. Et la policewoman, étonnée, se trouva en présence de trois empreintes différentes. Celle d'une main d'homme, nue, solide et musculeuse, d'une main de femme gantée et d'un pied de femme, nu, long, étroit et cambré. « Voulez-vous maintenant, mylord, dit-elle, ouvrir devant moi la cachette secrète ?» Le vieillard hésita un instant, puis dit à Cécilie et à Charlie « Voulez-vous sortir, je vous prie ?» Tous deux obéirent en silence. Devant l'étonnement d'Elsa, le lord dit, avec un sourire embarrassé « Cette cachette contient encore certaines choses d'un art assez libre, et je préfère que Cécilie... » « Ce que contient la cachette ne m'intéresse pas, » dit Elsa. « Je désire seulement voir si les voleurs n'ont pas laissé, en l'ouvrant, quelques traces de leur passage. »« Très bien, » dit le lord. Il s'agenouilla, il fit sous ses doigts glisser une lame de parquet, découvrit le cylindre d'une serrure de sûreté, introduisit dans la fente du cylindre une clé plate, tourna le hutton. Et l'un des panneaux du trône, pivotant sur lui-même, découvrit une cavité assez profonde, pratiquée sous la statue. Elsa, rapidement, en explora les abords, puis examina le panneau et sourit. Lord Shelwyn Harsley surprit ce sourire. « Auriez-vous déjà découvert quelque chose ? » demanda-t-il précipitamment. « Non, non, my lord, mais j'ai tout lieu de penser qu'avec votre concours, je ne tarderai pas à parvenir à la vérité. » Pour le moment, je ne puis que vous prier de laisser toutes choses en l'état. Je vais rentrer chez moi, étudier ces empreintes, ou plus exactement, les photographies et les moulages que j'en ai fait faire, et je reviendrai demain. Naturellement, je vous demanderai aussi de faire le silence là-dessus, le silence le plus absolu. Quelles ne furent pas, le lendemain, la surprise et la contrariété d'Elsa, lorsque sa dévouée secrétaire, Mrs. Evangelina Brown, qui chaque matin dépouillait les journaux pour elle, lui apporta le Daily Graphic et le Daily Mail. L'histoire du cambriolage exécuté chez Lord Chedwin Darsley s'y étalait tout au long, fort bien contée, dans l'un par Mac Rennett, dans l'autre par Jerry Pence, deux des maîtres du reportage anglais. Tout y était rapporté avec une extrême profusion de détails, sauf la découverte de la cachette secrète. Mais il était dit en bonne place que l'enquête, confiée à l'une des plus habiles policewomen de Londres, Mrs. Elsa Van Leegels, ne saurait tarder à aboutir. « L'indiscrétion ne peut provenir que de Cecily ou de Charlie, » pensa tout de suite Elsa. « Et de l'homme plus que de la femme. Il n'aura pu tenir sa langue au club ou ailleurs. » Elle prit sa voiture, alla chez Lord Chedwin Darsley et trouva l'hôtel en rumeur. Le vieux Lord, en lisant les journaux du matin, était entré dans une telle colère qu'une syncope congestive l'avait terrassé. Il était au lit et deux médecins le soignaient. Mais Cecily Chedwin Darsley ne quittait pas la chambre voisine. Elsa, crispée, attendit le retour de Charlie. Qui donc a communiqué aux journaux la mésaventure de votre oncle, Maïdir ? Lui demanda-t-elle quand il parut. C'est une faute presque irréparable. Je suis très fâchée, dit Charlie, l'air penaud, car c'est moi qui ai commis la gaffe, hélas. J'avais quitté l'hôtel depuis une heure quand vous êtes parti, et j'ignorais que vous eussiez demandé le silence sur cette affaire. J'ai raconté ce que je savais à Lord Withhew, au club, devant Carruthers, le peintre. Il est l'ami de Pence, vous savez. Et Pence, tout en disant pique-pendre de Mac Rennett, ne peut pas se passer de lui. « Tout cela est bien ennuyeux, » dit Elsa pensive. « Quand pourrais-je voir le Lord ?»« Je vais m'informer, » dit Charlie. Il revint bientôt en compagnie d'un médecin. « Le docteur Even, » dit-il en présentant le praticien à Elsa. « Je doute, Miss, » dit le médecin, « que le pauvre Lord puisse vous répondre avant longtemps. Ce que nous avons pris pour une syncope est une belle attaque d'hémiplégie. La langue est paralysée et, à son âge, il y a plus à craindre une issue fatale qu'à espérer une guérison. » Elsa se retira concernée. Elle le fut bien plus le lendemain quand Cecily et Charlie la reçurent. « Abandonnez cette affaire, cher ami, » dit Cecily. « Mon pauvre père, hélas, ne peut rien dire. Il ne peut pas écrire. Et nous ne savons rien, absolument rien d'autre que ce qu'il a pu vous dire. En outre, nous devons faire clore la galerie où le vol a eu lieu et apposer les scellés sur les portes et les vitrines. »« Les portes ?» dit Elsa. « Mais la galerie n'en a qu'une. » Elle se termine par une niche, si je ne me trompe, dans laquelle est l'Astarté de Palmyre. « Excusez-moi, » dit Charlie, « mais nous ferons clore aussi la porte du studio. » Chapitre 5. La cicatrice. Le dépit de la policewoman était extrême. Non qu'elle regrettât fort la prime considérable qui lui serait revenue si elle avait découvert les voleurs, mais parce que, cette fois, sa perspicacité se heurtait à une muraille de ténèbres. « Eh bien non !» se dit-elle. « Mille fois non ! Dussé-je perdre 6 mois à élucider l'affaire, je trouverai !» Elle ne possédait pour tout document que l'empreinte du pied nu, de la main gantée et de la trace d'or laissée par une bague sur la cuisse gauche de la statue de la reine Tilly. Elle ne pouvait ni interroger le Lord, ni enquêter sur place. Le vieil homme avait quitté l'Angleterre pour la France avec sa fille adoptive, une infirmière et son valet de chambre français pour aller demander une guérison à peu près impossible au soleil de Provence. Charlie n'avait pas quitté Londres car il n'avait qu'une maigre fortune personnelle et devait, pour assurer son existence d'une façon assez large, travailler au War Office à des choses sur lesquelles il observait une profonde discrétion. Il avait élu domicile au club et ne voyait que rarement Elsa, le plus souvent chez les Hunting. Mais ceux-ci partirent au début de l'été pour les lacs écossais. Et, bon gré mal gré, Elsa dut se résoudre à abandonner ses recherches. Elle ne le fit pas sans inspecter une dernière fois le moulage, extrêmement fin, obtenu par l'excellent spécialiste à qui elle confiait ces sortes de travaux, de l'empreinte du pied nu révélée sur la marche de basalte. Mais une explication est ici nécessaire. Tout le monde sait aujourd'hui ce que l'on désigne sous le nom d'empreinte digitale. Mais ce que l'on connaît moins, c'est la façon dont on relève ces empreintes et comment on procède pour en utiliser le relevé. Quelle que soit la position de l'empreinte que l'on veut relever, qu'elle soit verticale, sur une glace, un mur, une porte de coffre-fort, un panneau de voiture, ou horizontale, sur une table, un parquet, un dallage, le dessus de marbre d'une cheminée, on commence par la couvrir, soit au pinceau, soit au pulvérisateur, d'une couche de vernis spécial. Devant que ce vernis soit sec, on projette sur l'empreinte une poudre extrêmement fine à base d'albâtre, de bismuth et d'alun. Cette poudre fait corps avec le vernis, et leur composition à tous deux est telle qu'aucun retirage, aucune déformation ne sont à craindre. Quand le tout est bien sec, on détache très facilement le vernis de son support et l'on obtient ainsi en moule en creux un négatif de l'empreinte, une image parfaite des creux et des crêtes, des tourbillons et des sillons de la peau. Alors, suivant le cas, on photographie simplement ce moule sous un savant éclairage. Ou bien l'on en tire une épreuve à la gélatine formolée que l'on reporte, comme on le ferait avec un timbre de caoutchouc, mais à l'encre grasse et sur papier finement couché, de façon à en obtenir une image positive. Dans d'autres cas encore, on en fait des moulages avec une cire préparée, analogue à la cire à modeler, mais à laquelle un bain chimique donne au moment voulu la dureté de la pierre. Elsa, pour obtenir des images parfaites de l'empreinte du pied nu, avait fait employer les trois procédés. Et sur les trois épreuves, photographie directe, empreinte à la gélatine et moulage à la cire, tous les détails de la plante du pied apparaissaient avec la netteté d'une gravure à la pointe sèche. Les deux autres épreuves, celle de la main gantée, main de femme à coup sûr, et celle de la main de l'homme à la bague, étaient beaucoup plus faibles. La première, sous le gant, devait être petite mais charnue, et la seconde, au contraire, apparaissait longue et musclée dans sa forme générale. À force d'étudier les trois images du pied nu, Elsa finit par découvrir, sous le gros orteil, une marque cicatricielle en forme de V, un raffet presque invisible et qui devait dater de bien des années. Mais ce fut tout. « C'est beaucoup, se dit-elle, et c'est peu. Tout de même, ce n'est pas rien. Attendons. » Elle attendit 6 mois, sans guère entendre parler ni du Lord, ni de Cecily, ni même de Charlie, encore qu'elle sut que le jeune homme n'avait pas quitté Londres. Ce fut donc avec une certaine surprise qu'elle le vit arriver un soir à son office, au moment où elle se préparait à rentrer chez elle. « Quel bon vent vous amène, cher ami » dit-elle. « Mais le désir de vous voir, » répondit Charlie. « J'ai été pas mal occupé depuis le départ de l'oncle, vous savez. J'ai changé de section au ministère. Enfin, une petite escapade par-ci, une petite escapade par-là. » « Et comment va l'oncle ?»« Très bien, il peut parler. Il a la langue un peu rétive encore, mais il marche, va, vient, boit, mange, fume et, de jour en jour, fait des progrès dans la voie de la guérison, ce qui, à près de 80 ans, n'est pas si banal. Au fait, chère Miss, avez-vous trouvé quelque chose depuis 6 mois ?»« Non, dit Elsa, et même, j'ai fini par abandonner toute recherche. » « Peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi, dit le jeune homme. Au fond, et bien que la perte soit sérieuse, le vieil Harpagon a fini par en prendre son parti. Naturellement, il n'en voudra rien savoir pour vous payer votre prime, car il est rat à l'extrême. Enfin, nous nous arrangerons, Cecily et moi, pour vous verser un dédommagement de 500 livres dans quelques jours. Et quand nous nous marierons, elle et moi, nous vous en donnerons le double. Cela couvrira vos frais, je pense. » « C'est trop, dit Elsa, je n'ai pas dépensé, en temps et en argent, la valeur de 200 livres. » Mais non, quand le bonhomme m'aura enfin cédé sa place, son nom et ses revenus, je serai fort à l'aise pour vous dédommager. N'en parlons donc plus. Au fait, chère Miss, si vous ne faites rien ce soir, ne voudriez-vous pas de moi pour cavalier ? Nous irions dîner n'importe où et nous passerions la soirée à l'Empire. Voulez-vous ? Avec plaisir, dit Elsa. Ils partirent ensemble, dînèrent dans l'un des meilleurs restaurants de Londres, passèrent une soirée charmante au Music Hall. Charlie, galant, empressé, plein d'attention pour sa compagne, se montra un compagnon exquis et fit à la jeune femme une cour discrète. Charlie, dit enfin Elsa quand il la reconduisit chez elle, savez-vous que Cecily aurait le droit d'être jalouse ? Laissons Cecily tranquille, dit Charlie, elle m'assommera bien assez quand elle sera là. Elle est une vraie tigresse d'Hyrcanie, vous savez. Mais vous l'aimez ? Oui, oui, assurément. Ou du moins j'ai cru l'aimer. Mais vous l'épouserez tout de même, pourtant. Il le faudra bien. Mariage de raison. Après tout, peut-être serons-nous très heureux. Mais vous la connaissez assez pour le savoir, dit Elsa. N'êtes-vous pas des amis d'enfance ? Oui, sans doute, mais elle a bien changé depuis. Elle est devenue taciturne, renfermée, secrète en diable. Autrefois, vrai petit diable, elle était hardie comme un garçon. À la mer, elle ne reculait devant rien. Elle avait toujours les jambes égratignées, les pieds abîmés à courir sur les rochers. Et elle se moquait de moi parce que je ne voulais pas la suivre. Une drôle de fille, je vous dis. La voiture s'arrêtait. « Me voici chez moi, » dit Elsa. « Bonsoir, my dear. À bientôt. » Elle serra la main de Charlie, gagna son appartement. Puis, sa toilette de nuit faite, elle passa une robe de chambre, s'assit dans son fauteuil et tomba dans une méditation profonde dont elle ne sortit que pour s'apostropher à mi-voix avec ironie. « Tu es stupide, ma fille, » dit-elle. « Va te coucher et dors. » Mais ce fut en vain que, cette nuit-là, elle chercha le sommeil. Chapitre 6. Démasqué. Une semaine plus tard, un coup de téléphone l'appelait chez Lord Chelwick Hartley. Elle se rendit en hâte à l'appel du vieillard, qu'elle trouva debout, souriant, la mine fraîche. « Bonjour, Miss Van Leggens, dit-il. Comment allez-vous ? Bien, j'espère. Moi, je suis rétabli maintenant et j'en remercie le Seigneur, car je reviens de loin. Nous allons prendre le thé tout à l'heure ensemble. Avez-vous dit qu'on le prépare un peu plus tôt que de coutume, Cici ? Et avez-vous prévenu Charlie ? Oui, mon oncle, Charlie a été prévenu et le voici en chair et en os, dit une voix joyeuse. Bonjour, Cici, mon amour. Bonjour, chère Elsa. Et Charlie s'avança, gai, souriant, l'œil brillant. Bonjour, Charlie, asseyez-vous. Et vous aussi, Cici, là. Maintenant, chère Miss, avez-vous découvert quelque chose ? Non, n'est-ce pas ? La chose, d'ailleurs, était si difficile. Elsa secoua la tête négativement. Très difficile, oui, my lord, dit-elle, mais je suis sur une piste que je crois très sérieuse. Eh, eh, eh ! Si vous ne vous trompez pas, je serai aux anges de voir fourrer mes voleurs en prison. » À ce moment-là, le valet de chambre du lord entra et dit à l'oreille de son maître « Monseigneur, Mr. Winter Springfield attend Monseigneur dans son cabinet. »« Ah oui, venez, Charlie, nous vous appellerons tout à l'heure, Cici. »« Donnez-moi le bras, mon neveu, dans 10 minutes au plus tard. »« Excusez-nous, chère Miss, il s'agit de la bague de fiançailles de cet enfant. » Il quitta le salon en compagnie de son neveu. Cecily demeura seule avec Elsa, qui, tout à coup, se leva et vint à la jeune fille. « Cecily, dit-elle, racontez-moi donc comment vous vous êtes fait cette blessure dont vous portez encore la cicatrice sous l'orteil gauche. » Cecily leva vers Elsa une face d'agonisante. Ses yeux hagards, ses dents qui s'entrechoquaient, témoignaient de la violence de son émoi. « Allons, répondez, dit la policewoman. « Et faites vite, sinon tout à l'heure, je le demanderai au lord. »« Par pitié, taisez-vous, Elsa !» supplia la jeune fille. « C'est vous, n'est-ce pas, vous deux, qui avez fait ce mauvais coup ?»« Oui, je vous dirai tout, mais par pitié, pour mon père, pour moi, pour ce démon qu'est Charlie. » Soit, dit Elsa, mais je veux une confession totale, sinon je mettrai le moulage de l'empreinte sous les yeux du Lord. Si, si, appela la voix joyeuse de Charlie, venez vite. Soutenez-moi, car je ne pourrai pas marcher, râla Sissi. Elsa, de sa poigne vigoureuse, saisit la jeune fille sous le bras, la mit debout, l'entraîna. Quand Cecily entra dans le cabinet du Lord, son père adoptif lui tendit une splendide bague moderne, formée d'une émeraude carrée, encadrée de diamants taillés en long, pièce vraiment royale. « Que dites-vous de ce joyau, ma chère Sissi ? » dit-il avec un bon sourire. « Oh, mon Dieu, père ! Père !» balbutia la jeune fille, qui éclata en sanglots convulsifs. « Là, là, remettez-vous, sensitive que vous êtes, dit le vieillard, et passez cette bague à votre doigt. By Jove, vous ne l'avez pas volée, et je ne vous ai que trop fait attendre mon consentement. » Le lendemain matin, Elsa, chez elle, recevait Charlie et Cecily. Tous deux étaient blêmes, et le jeune homme tremblait, en déposant devant la policewoman une caissette carrée enveloppée de papier gris. « Tout est là, » dit-il sourdement. « Comment avez-vous agi ? C'est cela seulement qui m'intéresse, » dit Elsa. « Ah, bien simplement, allez, » dit Cecily, les yeux baissés. « La galerie, qui en apparence ne comporte qu'une issue, dans le studio, en a deux en réalité. » La seconde donne dans la chambre du Lord, ou plus exactement, dans un cabinet de toilette qui s'ouvre dans cette chambre. La porte qui la ferme est en acier épais d'un pouce et elle est recouverte par une glace tout entière. Le canon de la serrure de sûreté est dissimulé sous une rosace de glace. Cinq de ces rosaces recouvrent les fils de fixation. La sixième, en tout semblable aux autres, se visse sur le canon. « Je connaissais ce détail, mais le Lord ignorait que je le connusse. » Elle essuya ses lèvres, son front, où perlait la sueur, regarda Charlie, muet et sombre, et reprit. « Tous les jours, après le déjeuner, je faisais la lecture des journaux au Lord, qui, pour m'entendre plus confortablement, s'étendait sur un divan. Un quart d'heure après le début de la lecture, il s'endormait très profondément, bien qu'il prétende avoir le sommeil très léger. Un jour, je ne sais pourquoi, l'idée me vint, pendant qu'il dormait, de voir comment s'ouvrait la porte d'acier. Je pris dans le gousset de mon père, sans qu'il s'éveillât, le trousseau des clés de ses vitrines. Je trouvai la bonne assez facilement et réussis à ouvrir la porte. Je n'avais d'autre idée que de satisfaire ma curiosité. Je recommençai à plusieurs reprises, toujours seul et tremblant qu'il ne s'éveillât. Pourquoi ? Cette indiscrétion n'était pas criminelle ? Non, sans doute, mais mon père m'avait défendu d'entrer seul, sous quelque prétexte que ce fût, dans la galerie. Il conservait là des objets qui, pour être précieux et rares, n'en sont pas moins d'un art très libre, avoua Cecily. Et il ne vous surprit jamais ? Jamais. Un jour, alors que j'entrais dans la galerie, je vis, derrière la statue de la reine Tilly, béer une ouverture dans le parquet et, au centre de cette ouverture, le canon de cuivre d'une serrure de sûreté. C'est ainsi que je découvris le secret de la statue. Il y avait là une fortune sous un volume réduit. J'avouai tout à Charlie. Ah, je meurs de honte, Elsa! C'est votre châtiment, dit durement Elsa. Achevez, Cecily. Oui, un soir, Charlie me remit une petite pastille brune en me conseillant de la faire fondre dans le café de mon père. Il m'assura que ce n'était là qu'un narcotique, lequel nous permettrait de nous emparer du trésor caché sous la statue, que nous pourrions ainsi soustraire cela à la rapacité du fisc, que cela ne constituerait en somme qu'une avance d'oirie sur notre héritage. Je ne suis que la fille adoptive de Lord Shelley Gersley, étant la fille d'un parent pauvre, un cousin éloigné. Le fisc, je le savais, me prendrait 45 ou 60% de mon futur héritage. Il en prendrait autant sur la part dévolue à Charlie. Bref, mon fiancé usa de tout son pouvoir sur moi pour m'amener à ce qu'il voulait. Mais pourquoi étiez-vous pieds nus? Je ne comprends pas, dit Elsa. Et puisque vous aviez drogué le lord, vous n'aviez pas à craindre son réveil. C'est la vérité, dit Cécilie. Mais, alors que mon père dormait sur son divan, je renversai la cafetière posée près de lui sur un guéridon bas. Le café était chaud encore. Ma jupe n'a pas été éclaboussée, mais j'avais le pied gauche inondé de café. J'allais le laver dans le cabinet de toilette. Et quand je montrais à Charlie comment il fallait s'y prendre pour repousser la planchette du parquet qui dissimulait la serrure à secret, j'appuyais, sans y prêter attention, mon pied nu sur la marche de basalte où, à ma grande épouvante, vous en retrouvâtes à la trace le surlendemain. Je craignais affreusement que mon émotion me trahît. Je l'avais bien remarqué, dit Elsa, mais je l'avais mise sur le compte de l'imprévu d'une telle aventure. Jamais je n'eusse pensé que vous pouviez être la coupable. Et j'aurais abandonné toute enquête si Charlie n'était pas venu, il y a 8 jours, me mettre la puce à l'oreille en m'offrant un dédommagement excessif. Je me renseignais, en outre, près de votre ancienne gouvernante, sur certaines blessures aux pieds que vous vous étiez faites sur les rochers de Bournemouth. Et dans la nuit, ma conviction s'établit très nette. Je rassemblai, renouai tous ces fils si tenus et... Bah, à quoi bon dire le reste? Qu'allez-vous faire? Demanda Charlie le front bas. J'irai aujourd'hui même restituer ces joyaux et ces pierreries à Lord Chelwyn Hertsley. Je lui dirai qu'on les a rapportés mystérieusement chez moi. Il sera trop content de rentrer en possession de son bien pour creuser bien avant d'en médire. Et nous deux? Demanda Cécilie. Je me tairai sur votre compte, répondit Elsa. Aussi bien, que pourrais-je dire? Et la fin de tout cela? Demandai-je à Elsa Van Leggels quand elle eut achevé. Elle est simple, banale, quelconque. Lord Chelwyn Hertsley est mort 26 mois après le mariage de sa fille et de son neveu, en bénissant l'un et l'autre de ses 2 chers enfants, qui comptaient déjà un fils, Edward, dont un prince royal était le parrain, et une fille, Mary, qui, pour marraine, eut une duchesse. Fin de L'empreinte du pied nu, une nouvelle policière de Gaston Charles Richard.